Lorsque l'homme avance dans les domaines de l'inexplicable, c'est-à-dire dans les domaines qui conviennent à des forces qui se superimposent sur le plan matériel, à des forces qui peuvent, à cause de leurs vibrations, neutraliser les lois du monde matériel, il est très important à l'homme de ne pas souffrir de la superimposition de deux mondes parallèles. Et c'est pourquoi la naïveté, dans un sens, sert l'homme parce qu'elle l'empêche d'aller trop vite dans son évolution et de comprendre des choses qu'il n'est pas prêt à comprendre. Vous savez, il y a dans la nature humaine un mécanisme naturel qui fait partie de l'intelligence de l'homme, de la curiosité de l'homme, de sa conscience. L'homme veut savoir. L'homme veut connaître. L'homme ne veut pas avoir à vivre avec des mystères. Il veut connaître. Et c'est normal, c'est son droit. Mais ce que l'homme ne réalise pas, c'est que, bien que ce soit son droit dans l'avenir, ce droit ne peut lui être donné que lorsque lui peut supporter le poids de ce droit. Et je parle de mon expérience parce que je ne peux pas parler de l'expérience des autres. Mais moi, je sais que dans mon expérience de fusion et les années qui ont suivi la fusion, les choses que j'ai vécues dans ma vie ont toujours été vécues. Les choses réelles qui ont été vécues dans ma vie ont toujours été vécues en dehors de ma mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque je vivais réellement, la valeur psychologique de la vie réelle était totalement soutirée à ma mémoire, de sorte que moi, en tant qu'homme, en tant qu'être psychologique, en tant qu'être ayant une formation psychologique, en tant qu'être étant conscient de différents aspects de la réalité humaine versus la réalité autre, pour que je ne sois pas troublé dans mon esprit, ma mémoire était neutralisée. Mais ma mémoire était neutralisée par l'énergie, à cause de la fusion. Mais l'homme n'étant pas fusionné, l'homme allant vers la fusion, possède une mémoire qui ne peut pas être fusionnée, ne peut pas être contrôlée par la fusion ou l'énergie de l'intelligence. Et c'est pourquoi l'homme doit avoir certains mécanismes de protection, dont un est la naïveté. Mais la naïveté de l'homme, elle est bonne lorsque nous la regardons du point de vue cosmique, c'est-à-dire lorsque nous la regardons du point de vue de la relation entre le possible et l'impossible, de la relation entre le matériel et l'éthérique, ou même entre le matériel et l'astral. Mais lorsque l'homme avance dans la conscientisation, lorsque l'homme avance parce que ses circuits s'ouvrent, nous devons réaliser que sa naïveté est un bien et elle est un mal. Elle est un mal parce qu'elle lui permet de souffrir, mais elle est un bien parce qu'elle lui empêche de souffrir plus. Et c'est ça que l'homme ne reconnaît pas, c'est ça que l'homme ne réalise pas, et c'est ça qui frustre l'homme. Parce que l'homme est pris entre l'absolu et le relatif. L'absolu étant les mondes de l'intelligence qui font partie de lui, l'énergie, et le relatif qui fait partie de sa conscience astrale et de sa conscience mentale inférieure. Et comme l'homme, il est prisonnier de ces deux plans de vie, un étant la vie réelle et l'autre la vie irréelle, automatiquement, il veut savoir, il veut appartenir au monde réel. Mais il ne peut pas parce que s'il vivait les expériences du monde réel, alors que sa fusion n'est pas suffisamment avancée, que son mental et que son émotionnel ne sont pas suffisamment ajustés, ceci perturberait son esprit. Parce qu'il existe une relation entre l'émotionnel et le mental de l'homme et son esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? L'esprit, c'est ceci. L'esprit, c'est l'énergie dans l'homme qui, d'une part, est cosmique et qui, d'une part, est planétaire. Autrement dit, l'esprit de l'homme n'est pas parfait. Il y a une partie de l'esprit de l'homme qui est dans le cosmos, qui est dans le cosmique, qui fait partie de l'énergie, et il y a une partie de l'homme qui fait partie de l'organisationnel, du matériel mémorifique, de l'intellect et de l'émotion. Pour que l'esprit de l'homme soit totalement universel, totalement énergique, énergisé par une plus grande énergie qui est l'énergie universelle, il faut que le mental et l'émotionnel soient vidés des formes. Mais pour que ceci soit fait, il faut que l'homme avance lentement et graduellement vers l'intelligence. Mais lui, ayant une partie de lui qui est énergie, qui est esprit non contaminé par la forme, non astralisé, ni sur le plan mental, ni sur le plan émotionnel, il vit une tension. Et c'est pourquoi l'homme a toujours une tension en lui. Et surtout, s'il se conscientise et qu'il va un peu plus loin que l'homme en général, il veut faire quelque chose, il veut. Et c'est normal qu'il veuille, mais il ne peut pas. Et pourquoi il ne peut pas? Parce que c'est pas le temps. Et pourquoi c'est pas le temps? Parce que le mental et l'émotionnel ne sont pas suffisamment vidés. Pourquoi? Parce que ça fait partie encore de son plan de vie qu'il puisse se servir de son mental et de son émotionnel. Je prends un exemple près de moi. Supposons qu'un ami viendrait à moi et dirait, bon Bernard, je vais te donner une position dans l'industrie pour travailler comme ingénieur. Il n'y a pas de Bernard qui peut dire oui, je vais. Supposons que quelqu'un me dit, bon ben Bernard, je vais te donner une librairie, tu peux travailler dans une librairie organisée, ma papa. Il n'y a pas de Bernard qui puisse dire oui, je vais. Autrement dit, quand l'homme est dans la fusion, il n'y a pas de partie en lui. Autrement dit, il n'y a pas de partie de son esprit qui est fonctionnelle sur le plan de l'intellect et de l'émotionnel. L'esprit, son esprit, il est totalement dans une autre région du réel, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle pour le moment la conscience supramentale. Si l'homme était capable de réaliser qu'il ne peut pas être autre que ce qu'il est avant que tout son esprit soit dans une autre dimensionnalité de son énergie, il ne souffrirait pas de vouloir acheminer ou de vouloir faire ou de vouloir être créatif. Mais ça, c'est la condition de l'homme. Et nul homme ne peut rien contre ceci. Moi, je connais des gens qui me connaissent depuis des années, des gens qui sont extrêmement conscients, des gens qui sont suffisamment conscients pour ne plus être dans la naïveté de leur intelligence à un très haut niveau, mais ils sont incapables de descendre cette énergie pour faire un travail en relation avec cette énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, les lois de l'énergie sont des lois uniques, c'est-à-dire que les lois de l'énergie sont des lois tellement parfaites qu'elles n'ont pas besoin, ces lois d'énergie n'ont pas besoin de se ramifier sur le plan matériel. Ces lois sont tellement parfaites qu'elles peuvent très bien fonctionner dans un canal et ensuite continuer à se répandre sur le plan matériel. Et l'homme ne réalise pas aujourd'hui que lorsqu'il s'en va vers l'évolution, lorsqu'il s'en va vers un plan parallèle, une vie autre, où les lois sont autres, il ne réalise pas qu'il y a suffisamment de force vibratoire dans le monde pour que tous les hommes dans le monde qui puissent vivre, sentir, vibrer à cette énergie, puissent commencer à développer leur propre énergie. Parce que l'homme ne connaît pas les lois de l'intelligence, il connaît simplement les lois de l'intellect et les lois de la multiplication des formes. Mais l'intelligence ne fonctionne pas en fonction des lois de la multiplication de la forme. L'intelligence fonctionne en fonction du pouvoir vibratoire de la forme lorsque la forme est engendrée par elle. De sorte que l'intelligence n'a pas besoin sur le plan matériel de 10, 15, 20, 50 hommes qui vibrent parfaitement dans sa vibration. L'intelligence ne peut se servir d'un canal pour ensuite ouvrir sur le plan matériel d'autres canaux parce que le canal qu'elle fusionne avec est suffisant puisque l'autre canal ou ce canal n'est pas humain. C'est le fait que l'intelligence peut se servir et déhumaniser un canal qui lui permet de descendre dans la matière. Les hommes qui s'en vont vers l'état d'être canal, les hommes qui s'en vont vers la fusion, doivent comprendre et réaliser que ce qui est important pour eux, c'est de vivre leur vie le plus possible en dehors de la forme, pour qu'éventuellement arrive le moment où le travail de l'intelligence à travers le canal ayant été terminé, que ce travail puisse se reproduire sur un autre plan, où les hommes ayant développé le mental éthérique puisse communiquer par télépathie avec cet autre plan et à ce moment-là commencer à faire un travail au niveau de l'éther. Parce que les hommes ne travailleront pas sur le plan matériel en fonction de leur intelligence pure. pour que les hommes fonctionnent et travaillent sur le plan matériel en fonction de leur intelligence pure, il faut qu'ils soient fusionnés. Alors, comme les hommes ne seront pas fusionnés sur le plan matériel tant qu'ils ne seront pas arrivés à la fin du cycle, et que lorsque les hommes seront arrivés à la fin du cycle, automatiquement l'autre plan sera ouvert à eux, les hommes ne sont pas ou n'ont pas à s'inquiéter à vivre d'une façon créative sur le plan matériel en fonction de l'intelligence pure. Ils doivent s'organiser pour vivre sur le plan matériel en fonction de leur intelligence et de leur émotion, mais d'une façon de plus en plus harmonisée, c'est-à-dire d'une façon qui convient de plus en plus à l'énergie en eux qui croient, de sorte que les hommes pourront ne pas souffrir les souffrances atroces de la fusion et pourront bénéficier d'une intelligence grandissante et aller graduellement, lentement, vers l'éthérique. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est parce que l'homme est un être qui veut. Le surhomme ou l'homme fusionné est un être qui peut. OK? C'est la différence fondamentale entre l'homme et le surhomme. L'homme est planétaire, le surhomme est cosmique, le surhomme peut, ne veut rien, le surhomme, l'homme veut et ne peut rien. L'homme ne peut rien parce que l'homme est homme. Pour pouvoir, il ne faut pas être homme. Mais tant que l'homme est homme et qu'il va vers le stage de la nouvelle évolution, il peut apprendre à vivre sa vie d'homme d'une façon plus réelle, c'est-à-dire d'une façon plus harmonieuse en fonction de lui-même et en fonction de l'extérieur. Une fois que l'homme est capable de vivre sa vie sur le plan matériel en fonction de lui-même, qui devient plus réel, et l'extérieur qui s'harmonise ou qui l'harmonise, alors l'homme peut vivre sur le plan matériel une vie qui est plaisante. Tandis que l'homme qui est surhomme, qui n'est pas lié par les lois planétaires de la mémoire, ne peut pas vivre sur le plan matériel une vie d'homme dans laquelle il peut être heureux, dans laquelle ou dans laquelle il peut être à l'aise. Parce que l'homme qui est surhomme souffre toujours de sa conscience. L'homme qui est dans la conscience universelle souffrira toujours de la conscience planétaire. Ce qui l'empêche d'aller et de demeurer dans la conscience universelle, c'est parce qu'il a un travail à faire sur le plan matériel. Alors c'est la fusion qui le garde dans cette condition, et c'est la fusion qui lui donne le pouvoir de pouvoir. Mais ce n'est pas lui qui veut ou qui peut aller chercher le pouvoir de pouvoir. Il ne peut pas aller chercher le pouvoir de pouvoir selon les lois de son ego. Il peut aller chercher le pouvoir de pouvoir selon les lois de l'énergie en lui qui font exploser ses centres d'énergie. Sous quoi? Sous le prix de la souffrance. Mais l'homme ne peut pas souffrir sur le plan matériel la souffrance cosmique sans qu'il soit fusionné. Sinon, il brûle ses corps et se détruit. Alors l'homme peut souffrir sur le plan matériel une certaine souffrance qui vient ou qui naît du fait qu'il prend conscience des formes, qu'il prend conscience de ses illusions, qu'il prend conscience de sa naïveté, et à ce moment-là, il vit une vie d'homme, mais une vie d'homme conscient, une vie d'homme harmonisée, mais non pas une vie d'homme intelligent dans le sens de l'intelligence universelle. Pour que l'homme vive une vie dans le sens de l'intelligence universelle, il faut qu'il soit fusionné, et c'est dans le nouveau cycle que l'homme de la Terre vivra cette vie. Alors, en attendant, ce que l'homme doit vivre, c'est une vie de plus en plus intelligente, c'est-à-dire une vie de plus en plus consciente, réalisant que la conscience est une illusion temporaire, mais un bien-être qui lui permet de vivre une vie en conformité avec lui-même, autrement dit, son état mental et émotionnel, avant qu'il passe à une autre étape. Mais il faut toujours que l'homme réalise que son état de conscience, que sa vie consciente est une illusion temporaire, c'est-à-dire qu'elle est, elle est une forme de vie. Elle est une forme de vie qui est plus grande que la vie qu'il vivait avant, mais qui est aussi plus restreinte que celle qu'il connaîtra demain. Et réalisant qu'il vit une forme de vie qui est plus réelle, à ce moment-là, sa vie psychologique devient plus réelle, et aussi son être intérieur, son moi, devient plus relax devant lui-même. Et lorsque le moi de l'homme devient plus relax devant lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il y a de moins en moins de réflexions dans le miroir de l'ego, et que le moi est plus en plus relax devant lui-même, l'homme est bien dans sa peau. Et quand il est de mieux en mieux dans sa peau, il vit de mieux en mieux sa vie. C'est ça qui compte pour l'homme jusqu'à temps qu'il passe à l'éthérique. Alors, les lois de l'instruction qui sont données à l'homme pour élucider les principes de vie qui peuvent être compris à l'intérieur de la psychologie humaine, à l'intérieur des lois culturelles de la civilisation de la cinquième race, sont suffisamment précises, suffisamment simples, pour que l'homme engendre presque tout de suite en lui cette énergie qui ouvre ses centres. Et c'est tout ce que l'homme a besoin. Et une fois que l'homme a passé les premières étapes de cette douloureuse transformation de la personnalité, il commence à se sentir bien dans sa personnalité, dans sa peau, et à ce moment-là, il commence à bien vivre, et il commence à sortir de l'illusion qu'il doit créer. L'homme créera. Oui, mais l'homme créera selon les lois de l'intelligence. Mais pour que les lois de l'intelligence s'appliquent en l'homme, il faut que l'homme ne soit plus. Pour que l'homme ne soit plus, il faut qu'il soit fusionné. À ce moment-là, l'homme ne cherchera plus et il fera ce qu'il a à faire. Mais en attendant, l'homme doit faire ce qu'il fait et il peut, s'il devient de plus en plus intelligent, faire des choses sur le plan matériel qui conviennent à son évolution, qui conviennent à son intelligence, qui conviennent à sa spiritualité, qui conviennent à son état de conscience. Et ces choses sont bonnes du moment qu'il réalise que les choses qu'il fait font partie de son plan de vie, font partie de certaines formes qui servent à canaliser imparfaitement son énergie pour le soutenir émotivement et mentalement pendant un certain nombre d'années. Sans cela, l'homme serait totalement découragé et il souffrirait énormément dans son esprit. C'est pourquoi j'invoque que l'homme apprenne à comprendre non pas ce que moi je dis, mais ce que ça fait dans l'homme lorsque je le dis. Ce n'est pas ce que je dis qui est important, mais c'est ce que ça fait dans l'homme. Parce que ce que je dis n'a de l'importance que dans le sens vibratoire de son énergie. Je ne peux pas parler à un homme et ne pas changer quelque chose en lui. C'est ceci qui est important pour l'homme, non pas les mots que j'emploie. Alors, si l'homme commence à comprendre ceci, il commence à se détacher de la créativité de ce que je dis. Il commence à se détacher de la présence de l'intelligence à travers de la forme sur le plan matériel. Et il commence à s'intéresser à lui et non pas s'intéresser à l'intelligence qui sera en lui demain. Et si l'homme apprend à s'intéresser à lui, son lui qui fait le bureau, qui fait la comptabilité, qui fait les livres, qui fait l'architecture, qui fait la médecine, à ce moment-là, il sera bien dans son travail. Mais au moins, il aura gagné une chose. Il aura gagné la connaissance et la compréhension de l'illusion de la forme qui a tendance à fossiliser son moi. Au lieu de rendre son moi dynamique, créatif à son niveau, c'est-à-dire actif, parce que l'homme n'est pas créatif. L'homme est actif. Il n'y a aucun homme créatif sur la planète. Même un homme qui fait de l'ingénierie ou qui fait de l'architecture n'est pas un être créatif parce que ce qu'il met en forme est déjà inventé dans l'astral. Un homme qui est créatif est un être qui crée, c'est-à-dire qui dit ou qui parle ou qui fait quelque chose qui n'a jamais existé. C'est ça être créatif. Mais l'homme est actif. Et ce qui se passe dans la société, j'ai remarqué depuis quelques années, c'est qu'il y a des écoles où on est en train de développer la psychologie de la créativité parce que tous les hommes veulent être créatifs, c'est normal. Mais dans le fond, il ne s'agit pas pour les hommes d'être créatifs, il s'agit pour les hommes d'être actifs. Mais tellement actifs que leur mental et leur émotionnel canalisent constamment l'énergie de l'intelligence qui ne peut pas descendre en eux d'une façon parfaite parce qu'ils ne sont pas fusionnés. Alors, à ce moment-là, les formes servent à l'homme, et si l'homme est suffisamment libéré de l'émotivité dans la forme, à ce moment-là, s'il est architecte, s'il est ingénieur, s'il est libraire, s'il est médecin, s'il est quoi que ce soit, il sera bien dans sa peau, il aimera son travail parce qu'il saura que ce qu'il fait est bon, que ce qu'il fait est ce qu'il doit faire. Il n'aura pas toujours la question derrière lui qui provient de son insécurité intellectuelle de vouloir faire quelque chose d'autre qui fait partie de sa naïveté parce qu'il ne connaît pas les lois de l'intelligence. À ce moment-là, il sera dans son travail, il sera bien dans son travail, il fera des sous, il fera vivre sa famille, il fera vivre ses siens, il pourra aller en vacances, il pourra travailler, il pourra rencontrer, il pourra faire ci, il pourra faire ça. Et il sera un homme heureux comme il aurait été avant s'il avait été conscient. Autrement dit, il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui qui sont inconscients et qui font des travaux et qui aiment leur travail. Ils aiment leur travail, ils sont bien dans leur travail. Seulement, il peut se produire dans leur vie des conditions, surtout dans les temps qui changent, où leur travail peut devenir aigre. Pourquoi? Parce que, n'étant pas suffisamment conscient et vivant dans une société où les formes deviennent de plus en plus... de plus en plus... Quoi? Hein? Contraignant, et ainsi de suite. À ce moment-là, il souffre. Mais l'homme qui se conscientise peut retourner à son travail. Il a compris quelque chose et il retourne à son travail et il vit son travail d'une façon pleine. Et comme il est de plus en plus intelligent parce qu'il est moins pris dans la forme, qu'il risquerait dans le passé de l'étouffer, à ce moment-là, si ça ne va pas le travail, il peut changer pour un autre. Mais il va avoir suffisamment d'intelligence pour aller dans un travail qui lui plaît. Et c'est tout ce que l'homme a besoin. Parce que si l'homme travaille, qu'il canalise le travail, c'est quoi? La fonction du travail, c'est quoi? C'est de canaliser l'énergie mentale et émotionnelle de l'homme. C'est ça la fonction du travail. Pourquoi il a été donné à l'homme de travailler sur la Terre? Pour canaliser l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. L'animal ne travaille pas. Pourquoi? Il n'a pas canalisé l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. S'il avait l'animal à canaliser l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle, il serait obligé de travailler. Ça deviendrait du travail. L'expression de l'énergie mentale deviendrait du travail, deviendrait de l'invention, ce qu'on appelle de la créativité inconsciente. Alors, l'homme aujourd'hui est sur la Terre, et tant qu'il est dans sur le plan matériel, il est obligé de travailler, c'est-à-dire qu'il est obligé de canaliser l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. Mais plus il devient conscient, plus il canalise cette énergie d'une façon harmonieuse, c'est-à-dire que plus il fait un travail qui lui plaît. Si l'homme fait un travail qui lui plaît, le travail, il est bon. Si le travail, il est bon, il est grand. S'il est grand, il devient de plus en plus précis. S'il devient de plus en plus précis, ça veut dire que l'homme va de plus en plus loin dans son travail. L'homme est bien. Alors, un homme qui va dans la fusion, un homme qui est dans la fusion, il ne travaille plus. Il crée. Le travail, ça n'existe pas pour lui. Il crée. S'il ne veut pas créer, il ne crée pas. S'il veut créer, il crée. Mais il ne peut pas travailler. Il œuvre. Mais tant que l'homme n'est pas dans la fusion, il doit travailler. Parce qu'il ne peut pas créer. Parce que créer ne peut pas faire partie de l'intellect. Il ne peut pas être la résultante de l'activité, de la dynamique de l'activité de la forme. Alors, si vous travaillez... Bon, je prends le docteur Arbeck. Le docteur Arbeck aime son travail. Il aime son travail. Et c'est bon qu'il aime son travail. Et pourtant, il se conscientise comme tout le monde. Et Dieu sait que dans la médecine aujourd'hui, quand on se conscientise, ce qu'on voit de la médecine, ce n'est pas ce que l'on voudrait voir. Pourtant, il aime son travail. Mais pourquoi il aime son travail? Il aime son travail parce que dans le fond, il est son propre patron. Mais s'il avait à subir trop de contraintes, il aimerait peut-être moins son travail. Alors l'homme doit, au cours des années qui viennent, se chercher un travail qui lui convienne, c'est-à-dire un travail qui est de plus en plus sous son empire. Sous son empire. Même s'il a des taxes à payer, c'est sans importance, il faut payer des taxes. Tant qu'on vit sur le plan matériel, tant qu'on conduit l'automobile dans la rue, il faut payer des taxes, ça ne se fait pas tout seul, des routes. Il faut être intelligent, Alors, ce ne sont pas les taxes qui sont le problème de l'homme. C'est le fait qu'il n'aime pas son travail. Si l'homme aimait son travail, il mettrait tellement d'énergie dans son travail qu'il ferait beaucoup de sous, il pourrait payer beaucoup de taxes. Alors, l'homme doit aimer son travail et les gens doivent se trouver un travail. Et c'est normal que le travail ne convienne pas nécessairement tout de suite à l'homme, mais viendra le jour où le travail lui conviendra. Il le trouvera, s'il ne l'a pas trouvé. Et c'est très important que l'homme trouve son travail. Et si l'homme trouve son travail, il sera bien dans sa peau parce qu'il aura trouvé son travail en fonction d'un état d'esprit qui lui permettra déjà d'être intelligent dans la compréhension de son travail. Et automatiquement, il sera bien dans sa peau. Et l'homme peut vivre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans parce que qu'est-ce qui va se produire? Plus que l'homme va devenir intelligent, plus il va devenir sensible à sa situation vibratoire et automatiquement, à cause du fait qu'il sera de plus en plus en dehors de la forme et qu'il pourra vivre un petit peu plus de sa liberté, à ce moment-là, il pourra voir que c'est ça qu'il veut, que c'est ça qu'il veut, et que là, 10 ans, 15 ans, il rêvait à ceci, et que là, maintenant, hop, il voit, il commence à voir la connexion entre ce qu'il rêvait il y a 15 ans et que ce qui peut devenir réel pour lui dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Remarquez bien une chose, que tout ce qui se passe dans votre cerveau, toutes les pensées qui viennent dans votre cerveau font partie de quelque chose. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que c'est la forme finale de ce quelque chose. Et comme vous êtes naïf, vous allez prendre ce quelque chose qui vous passe dans le cerveau et vous allez penser que c'est ça. Vous ne devez jamais penser que ce qui passe dans votre cerveau est ceci. Parce que ce qui se passe dans votre cerveau est simplement une forme pour créer une autre forme, pour engendrer une autre forme, pour engendrer un mouvement qui va vous amener dans le temps à vivre votre vie dans une condition particulière qui conviendra avec votre, à votre intelligence et votre conscience. Mais si vous êtes naïf, vous prendrez cette forme aujourd'hui qui, en fait, n'est qu'un chaînon d'une chaîne qui ne doit se concrétiser dans votre expérience que dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, lorsque l'homme a des idées dans la tête, et c'est bon qu'il regarde des idées dans la tête, c'est bon, mais s'il ne s'attache pas aux idées dans la tête, il verra qu'elles se retireront, ces idées, et elles reviendront ensuite plus tard, et elles se retireront, et elles reviendront, et elles se retireront, et éventuellement, elles reviendront de plus en plus souvent, et éventuellement, elles seront toujours là. Et quand les idées seront toujours là dans votre tête, et qu'elles ne cesseront plus de vous laisser, c'est à ce moment-là que commencera le temps de les exécuter. Mais encore, il y aura un temps à l'intérieur du temps, et vous devrez être patient, parce que sinon, vous serez pris dans le temps de l'idée. Et si vous êtes prisonnier du temps de l'idée, c'est que vous êtes encore suffisamment naïf pour ne pas être intelligent. Alors, la naïveté, ça va loin, la naïveté. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui, il y a 5 ans, 10 ans, avait une idée, qui s'est estompée, mais qui commence à avoir plus de réalité aujourd'hui, pour demain? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a, c'est bon? Vous? Il y en a d'autres? Vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez, que vous allez aller chercher dans le passé des idées que vous aviez il y a des années, mais ce n'était pas le temps. Alors, vous avez souffert dans votre ego, et que plus vous allez vous rapprocher de l'intelligence, plus l'énergie va rentrer dans la forme, donner vitalité à cette forme, et avec le temps, cette forme va se concrétiser. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous mettre en garde contre la naïveté, c'est-à-dire contre l'illusion que vous avez de la forme. Parce que ce n'est pas cette forme que vous connaîtrez demain. Cette forme n'est qu'un réservoir, une forme pour contenir l'énergie qui vous amène, qui vous amène, qui vous amène, qui vous amène, qui vous amène. C'est important de comprendre. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs années, je prends l'avion. Oh, je sais que je dois aller en voyage. Je prends l'avion, je m'en vais à Dorval. Et j'étais censé aller en Floride. J'arrive à Dorval, et rendu à Dorval, je suis bloqué, je ne peux pas acheter mon billet. Tout d'un coup, je ne sais plus où je vais. Plus de mémoire. Ensuite, je dis, bon, combien de temps je vais demeurer comme un pigeon là? Et ça me dit 5 minutes. Je dis, où est-ce que je vais en Floride? Ça me dit, tu verras. Et ensuite, l'énergie passe, et ça me dit, prends un billet, va-t'en à Vancouver. Je prends un billet, je vais... Alors, je m'étais tout préparé pour aller en Floride, et je finis à Vancouver. C'était à Vancouver que je devais aller, pour rencontrer quelqu'un. Mais si j'avais su avant que j'allais à Vancouver, je n'aurais pas vu de raison, j'aurais pu voir une raison pour aller en Floride. Alors, j'avais le sable, je ne sais pas, mais la natation, blablabla. Disney World. Alors, ça me tenait pendant quelques semaines. Et tout à coup, rendu au point de départ, c'est plus la Floride, c'était là-bas. J'aurais pas été intéressé d'aller là-bas avant. Parce que je n'avais pas de motivation pour aller à Vancouver. J'aurais pu créer une forme pour aller en Floride, pour ma fille, ma femme, moi. Alors la forme servait simplement à m'amener à Dorval. Et rendu à Dorval, l'énergie m'a fait aller à Vancouver. Et plus on se conscientise, plus on fonctionne comme ça. Même si on ne fonctionne pas d'une façon si radicale, c'est le même principe qui s'applique chez l'homme. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, l'homme s'ouvre des portes dans la vie extraordinaire, parce qu'il ne bloque plus l'énergie. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas être naïf au niveau de la forme. Au niveau de toutes les formes, il ne faut jamais être naïf. Et il faut reconnaître, il faut réaliser que l'homme, que l'intelligence, l'homme est à l'aube de l'intelligence. l'aube de l'intelligence. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est de l'intelligence. C'est quelque chose qu'on a... On sait qu'est-ce que c'est de l'intellect, on a passé. On sait qu'est-ce que c'est de l'émotion, on a passé. On sait qu'est-ce que c'est le vital, on a passé. On sait qu'est-ce que c'est le matériel, on a passé. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'intelligence, on commence. Si de l'intelligence c'était matériel, c'était solide. Si on avait passé, si on avait connu l'intelligence au niveau de l'expérience, on pourrait la comprendre. Mais on n'a jamais connu l'intelligence. Moi, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Ça fait quelques mois. Et ça fait 13 années que je suis fusionné. Je commence. Et je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Je vous dis ça pour vous faire comprendre que l'intelligence est un nouveau cycle d'évolution. Ce n'est pas une attitude psychologique. Ce n'est pas de la psychologie de l'intelligence. Ce n'est pas psychologique de l'intelligence. Ce n'est pas humain de l'intelligence. Je commence. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il y a après l'intelligence. Hein? J'ai déjà expliqué que l'homme connaît trois principes. La volonté, l'intelligence et l'amour. Ces principes ne sont pas parfaitement réalisés chez lui parce qu'il n'est pas fusionné. Mais l'homme connaît trois principes, la volonté, l'intelligence et l'amour. Mais quand on réalise que ces trois principes sont simplement trois de sept, quels sont les autres, les quatre autres principes? Alors, l'évolution... C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre, les hommes, d'être naïfs. J'aime rencontrer des gens qui sont spirituels, des gens qui sont tout ceci. Ça me fait plaisir, c'est intéressant de rencontrer des gens qui avancent dans la vie, qui se découpent de l'humanité, de la grosse masse humaine. Mais si je suis dans leur entourage pendant trop longtemps, je dois leur faire réaliser certaines choses. Si je vis près d'eux, je dois leur faire réaliser certaines choses. Je ne peux pas continuer à aimer, fraterniser avec des hommes qui sont simplement spirituels. Je dois les amener à comprendre des choses pour que demain, ils soient eux-mêmes dans leur propre intelligence. C'est pour ça que je suis venu sur le plan matériel. Alors, si nous réalisons que nous sommes à l'aube de l'intelligence, nous pouvons, dans un sens, réaliser que ce n'est pas la créativité sur le plan matériel pour nous qui est importante, bien que nous souffrirons de ne pas l'être. OK? Nous souffrirons de ne pas l'être, c'est normal, puisque nous allons vers quelque chose qui est grand. Alors, nous souffrirons d'être encore des petits hommes au lieu d'être des grands hommes. Mais si nous sommes suffisamment intelligents, et si nous comprenons suffisamment les lois de l'intelligence qui sont expliquées par l'intelligence, à ce moment-là, au lieu de vivre dans l'espoir de devenir créatif au niveau de l'intelligence cosmique pendant que nous sommes dans une période de transition, nous plierons nos bagages d'espoir et nous retournerons à nos activités d'hommes qui travaillent dans l'industrie, qui travaillent dans le bureau, qui travaillent dans la médecine, qui font des sous, qui mangent, qui vont en vacances, qui se font des amitiés et qui, pour la première fois, peut-être depuis le début de l'humanité, ont découvert le pouvoir de l'amour d'aimer parler. L'amour d'aimer parler. Parce que aimer parler deviendra pour l'homme de transition qui va vers la sixième race la seule chose qui lui reste. Moi, j'aime parler, c'est évident que j'aime parler. Mais pourquoi j'aime parler? Parce que je suis dans ma réalité. Alors les hommes qui vont de plus en plus vers leur réalité aimeront de plus en plus parler. Mais lorsque l'homme aime parler, il aime parler avec des hommes qui aiment entendre ou qui aiment parler. Il ne peut plus parler à des hommes qui n'aiment pas entendre ou qui n'aiment pas parler, ou qui ne savent pas parler. C'est normal. Alors, c'est très important pour vous de réaliser qu'au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous devenez moins naïf, votre intelligence devient plus grande et automatiquement, vous aimez et vous pouvez de plus en plus parler. Et c'est tout ce que vous avez de besoin, parce que je l'affirme aujourd'hui, parler deviendra demain la nourriture de l'homme de la sixième race. C'est en parlant que l'homme deviendra surhomme. Même s'il parle un peu. Mais pourvu, mon Dieu, qu'il parle. Parce que, pourquoi? Quand l'homme parle, qu'il est dans l'amour de parler, il est dans l'amour de l'intelligence, il est dans l'intelligence de l'amour, il a la volonté de l'amour et de l'intelligence. Il commence à toucher pour la première fois aux trois principes, il commence à les enraciner, à vivre de ces trois principes. Automatiquement, il commence à nourrir son mental, son émotionnel, son vital, son physique, il s'en va vers l'éthérique. Aimez parler et vous passerez à l'éther. Et en aimant parler, vous découvrirez les illusions de votre naïveté, vous deviendrez plus intelligent. Mais si vous n'aimez pas parler parce que vous êtes gêné, vous vous coupez de votre énergie. Si vous n'aimez pas parler parce que vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous vous coupez de l'intelligence de votre, de l'intelligence de votre émotion. Vous devez tuer l'intelligence de votre émotion pour pouvoir commencer à ne pas avoir crainte de ce que vous dites. Aucun homme n'a de raison de ne pas parler. Les hommes ne parlent pas pourquoi? Parce qu'ils sont dans la naïveté de leur intelligence ou dans la naïveté de leur émotionnel. Si vous parlez... et que vous continuez à parler un jour, vous ne parlerez plus ainsi. Mais si vous vous bloquez parce que vous faites boum boum boum boum boum, vous demeurerez comme ceci. L'intelligence débloquera votre langue. Tout est énergie. L'homme est énergie à différents niveaux de vibration. Bon, l'énergie universelle dans l'homme, les trois principes dans l'homme qui descendent dans les principes inférieurs de l'homme débloquent tous ces principes. Un homme qui parle ne peut pas être malade. Moi, je fume et je parle et je crie, je n'ai jamais mal à la gorge. Ou moi, je fume et je parle et je crie, j'ai mal à la gorge et ensuite, quand je commence à parler et à crier, je n'ai plus mal à la gorge aussitôt que je commence à crier. Pourquoi? Parce que l'énergie tranche la question. Mais aimer parler veut dire apprendre à bien parler. Quand on aime parler, on apprend à bien parler. On s'ajuste, on s'ajuste, on s'ajuste, on s'ajuste, on devient moins naïf, on devient plus intelligent. Alors automatiquement, il n'y a plus de monde, plus de monde, plus de monde. La première chose qu'on sait, on a une société d'hommes qui se rencontrent, qui s'amusent, qui jouent au golf ensemble et qui se parlent. Au lieu de jaser. Ou des femmes qui se parlent, au lieu de... Qu'est-ce qu'ils font les femmes? Placoter. Moi, je vous dis que parler, c'est la vie qui descend dans l'homme. C'est un principe qui est neuf au niveau de la compréhension de l'homme. Je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas me transposer chez vous. Je ne peux pas vous rendre ce que je suis. Chacun est ce qu'il est. Je vous dis, moi, que parler, c'est la vie qui descend dans l'homme. Et l'amour de parler, c'est la condition de cette descente de vie. C'est pour ça que la naïveté... La naïveté, ce n'est pas simplement psychologique, c'est vibratoire. La naïveté, ce n'est pas seulement le mensonge de l'homme face à lui-même, c'est l'incapacité de l'homme envers l'intelligence. Mais les clés sont données à l'homme pour complètement détruire en lui cette pissenlit qu'on appelle la naïveté. Alors, plus l'homme absorbe ses clés, il absorbe quoi? Il absorbe une vibration qui lui donne le pouvoir graduel d'entrer dans son énergie, parce que cette vibration détruit pour lui temporairement des formes, jusqu'au jour où il est suffisamment dans son énergie pour détruire ses propres formes. Il n'a plus besoin d'autres personnes pour lui dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, il le sait, l'homme est universel. Et aimer parler, et l'amour de parler, qui fait partie du pouvoir de parler, c'est tellement important pour l'homme que moi, quand je vous parle, je suis bien. Quand je vous parle, je m'énergise. Quand je vous parle, je vous énergise. Si je ne parle pas comme je peux parler, je souffle. Je suis fatigué. Je veux fermer la salle à minuit. Je veux fermer la salle à 11 heures, au lieu de continuer jusqu'à 1 heure du matin. Aujourd'hui, je commence à couper les heures parce que les gens travaillent, et ainsi de suite. Mais je pourrais continuer et continuer à parler jusqu'à 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, et vous n'irez même pas travailler. J'ai simplement à vous dire des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer qui existent et vous n'iriez pas travailler parce qu'il y a en vous suffisamment de naïveté pour vouloir savoir ce qu'il y a derrière le rideau de l'esprit de l'homme. Parce que tous les hommes veulent connaître l'infinité. Tous les hommes veulent connaître les mystères. Tous les hommes veulent connaître l'intelligence, les lois du cosmos. Et les lois du cosmos n'ont jamais été expliquées à l'homme. Parce qu'il n'y a jamais eu, sur le plan matériel, de conditions permettant à plusieurs hommes de savoir. Il y a eu des conditions permettant à un homme de savoir. Oui. Mais à plusieurs hommes de savoir, non, c'est nouveau. Ça fait partie de l'évolution. Alors, l'amour de parler, c'est extraordinaire. Moi, je vous parle et je m'écoute parler. Je vous dis et je m'écoute dire pour comprendre ce que je dis. Parce que lorsque j'écoute ce que je dis, je vois ce que je sais. Et lorsque je vois ce que je sais, je suis content d'être dans la vie. Je suis content d'être sur le plan matériel. Je me fous de l'éthérique. Moi, quand je suis ici, je suis ici. Les hommes veulent être dans les airs. Moi, je suis bien ici. Chaque homme doit être capable d'être sur le plan, être bien là où il est. Non, on ne veut pas l'être là, on veut être là. L'homme sera là quand il aura appris à bien être là. La spiritualité de l'intelligence, c'est la descente de l'énergie de l'intelligence dans la matière. La matière doit être spiritualisée. Comment elle sera spiritualisée, la matière? Lorsque l'intelligence, son énergie sera descendue dans la matière. La matière ne sera jamais spiritualisée dans l'invisible. La matière sera spiritualisée dans la matière. L'intelligence doit spiritualiser la matière. Le mot, la parole, demain servira à l'homme pour donner à la matière des ordres, comme on donne à l'animal ou à l'homme des ordres. L'homme commandera à l'atome, comme il commande aujourd'hui à l'homme. L'homme sera demain dans le pouvoir vibratoire de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il sera totalement complet. Pourquoi il sera totalement complet? Parce qu'il aura fait tous les plans, toute l'énergie descendra jusque sur le plan matériel. Alors, sur le plan matériel, l'homme doit apprendre à vivre sa vie d'une façon complète. C'est-à-dire qu'il doit apprendre à vivre sa vie d'une façon qui n'est pas naïve. C'est-à-dire qu'il doit comprendre une fois pour toutes que tout ce qui l'empêche dans la matière d'être heureux n'est pas bon pour lui. Tout ce qui empêche l'homme dans le matériel de ne pas être heureux, ce n'est pas bon pour lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme est venu dans la matière pour la spiritualiser, parce que l'homme est dans la matière pour y demeurer, et parce que l'homme est dans la matière pour instruire demain la matière des royaumes de l'intelligence, pour que demain l'intelligence pénètre dans la matière et établisse avec elle un pont, afin que demain l'homme puisse conquérir à la fois la Terre et conquérir aussi la galaxie. Et tant que l'homme n'aura pas conquéri la Terre dans sa personne, tant que l'homme n'aura pas conquéri son corps matériel et les activités qui règnent de lui en fonction de son intelligence et de son émotionnel qui est en évolution, il n'aura pas la capacité de conquérir la Terre parce que pour conquérir la Terre, il faut que l'homme puisse amener dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital, dans le physique, l'énergie cosmique de l'intelligence supramentale. Alors, tout ce qui empêche l'homme d'être heureux sur la Terre, ce n'est pas bon, parce que lorsque l'homme est heureux, il fonctionne. Lorsque l'homme n'est pas heureux, il ne fonctionne pas. Et lorsque l'homme est trop malheureux, il ne cesse de fonctionner. Et les psychologues et les gens d'éducation le savent, que l'homme est bien et qu'il fonctionne le plus quand il est heureux. J'emploie le terme heureux comme on l'emploie dans la convention de l'homme, mais je peux le dire dans la convention de l'homme de demain, que lorsque l'homme est bien dans sa peau, lorsque l'homme il est dans l'énergie, lorsque l'énergie passe en lui, il est automatiquement obligé d'élever les vibrations de la planète. Il n'a pas de choix. Pourquoi il n'a pas de choix? Parce qu'il est irréductible. Pourquoi il est irréductible? Parce qu'il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là? Parce qu'il est total. Et quand l'homme est total, il n'est plus nulle part. Mais ça, c'est un autre secret que l'homme découvrira demain. Que lorsque l'homme il est total, il est nulle part. Parce que lorsque l'homme il est total, ce n'est plus Bernard de Montréal qui parle, puisque Bernard de Montréal n'est qu'une manifestation dans la matière de l'énergie de notre intelligence. C'est nous, ce sont les êtres de lumière qui parlent dans une forme que vous appelez Bernard de Montréal. Si vous vous attachez à la forme, vous vous attachez à une illusion. Nord de Montréal n'aura plus besoin de vous parce que dans la lumière, il n'y a que nous. Et nous, c'est quoi? C'est tous les hommes qui sont prêts à entrer dans la multidimensionnalité de la lumière et comprendre les lois parfaites de la conscience atomique. Les lois parfaites de la conscience atomique sont révélées à l'homme lorsqu'il est lui-même près de cette conscience. Et pour qu'il soit près de cette conscience, il faut que toute sa conscience matérielle, vitale, émotionnel et mental soient rajeunis par où? Par nous. Ce sont nous, nos forces, les forces des principes universels, des principes ultimes qui redonneront à l'homme sa vitalité. Nous sommes la vie. Nous sommes la vie. L'homme doit comprendre les illusions de la naïveté pour comprendre les illusions de son savoir, pour comprendre les illusions de son mental, pour comprendre les illusions de la connaissance, pour qu'il en arrive un jour à réaliser que lorsqu'il est complet, il n'est plus là. Et lorsque l'homme n'est plus là, il n'appartient plus à la matière. Il n'est plus dominé par les lois de la gravité. Il demeure sous les lois de la gravité si ça fait partie de notre plan à nous, qui sommes l'intelligence et l'énergie de l'intelligence, de le retirer de cette gravité ou de le maintenir là. L'homme n'est pas un être dans la matière. Vous pensez-vous que l'homme est un être dans la matière? C'est une erreur de l'homme. Et la raison pour laquelle l'homme pense que l'homme est un être dans la matière, c'est parce que l'homme a des sens et que les sens de l'homme révèlent à lui la densité, la solidité de sa forme matérielle, de sa forme charnelle. Ce n'est pas ça l'homme. L'homme n'est pas un être de matériel. L'homme est un être de lumière. Ce qui existe dans le matériel est une partie simplement de la nature même du monde astral. Et je vous expliquerai demain, ou dans un autre jour, dans un autre temps, pourquoi l'homme, sur le plan matériel, est une convention matérielle organisée moléculairement et atomiquement par les forces dans le monde astral.